Let's go! Mais qui est ce bonhomme avec une casquette rouge qui a une grande moustache et que l'on voit partout? C'est un super plombier qui vivait en Italie et qui un jour arriva au royaume champignon par un tuyau gris. Il apprit que la princesse était en pleine détresse, menacée par un monstre qui a une queue cornue aux fesses et qui crachait du feu comme s'il avait avalé 2-3 tonnes d'épices-en-lit et 2-3 piments flambés. Mario Party l'a sauvé avec son frère Luigi, son frère qui est un faux jumeau qui saute plus haut qu'il n'agit. Ils sautèrent de des champignons sur des tortues féroces et entrèrent dans des tuyaux pour trouver des tas de pièces. Mais les tortues féroces, c'est des tortues ninja? Explique-moi c'est quoi ce délire à la noix? C'est Mario et Luigi, c'est deux plombiers qui bossent et c'est bien le succès que Super Mario Bros. Mario fait sa croisade dans tout le pays, ramassant les champignons qui le font grandir. Et y'a aussi les fleurs qui lui donnent le pouvoir de tirer des boules de feu rien qu'avec le doigt. Y'a les champignons verts qui sont bien cachés, qui donnent une vie à Mario dès qu'il s'en est emparé. Et les champignons marrons, ça s'appelle des Goombas. Faut pas les toucher sinon Mario va devenir de glace. Pour ce qui est des tortues, y'en a qui ont des ailes, mais elles ne volent pas très loin et en plus elles sont pas belles. Y'a des plantes piranhas qui sortent des tuyaux, des poissons volent en flottant et des méduses dans l'eau. Tout ça dans le même jeu? Mais arrête de charrier, je me rappelle plus du nom des deux plombiers. C'est Mario et Luigi, c'est deux plombiers qui bossent et c'est bien le succès que Super Mario Bros. Mario a par la suite plusieurs divers loisirs. Il peut donc faire du kart avec tous ses amis. Il peut jouer au docteur, il peut jouer au golfeur. Et dernièrement on l'a vu en train d'être au laveur. La saga de Mario, elle s'arrêtera jamais. Et si Sonic s'en mêle, ça va être l'enfer. Sur NES, sur 64, sur GameCube, sur Game Boy, le plombier moustachu a à bout de Bad Joy. Et si un jour par hasard vous rencontrerez un plombier italien en salopette rouge, vous pourrez lui dire hey, dis donc Mario, viens vite chez moi, il y a une fuite, il y a que de l'eau. Pas, et ben laissez tomber le métier de plombier, tout le monde trouve ça désuet. C'est Mario et Luigi, c'est deux plombiers qui bossent, et c'est bien le succès que Super Mario Bros. Let's go!